à quatre parties del mur, dont les carrels estuient durs, avouent quatre basses tournelles qui mout estuient fortes et belles. L'itchastiaus fut mout pièce et ans, et bien à esiets par de danse. Devant le chastelet trop honte, haute sur l'éve dretier une ponte de pierre et d'arène et de chauts.